chaque mois million pour fête, chaque seconde million pour mon Dieu. Tu n'as pas Dieu, tu m'as la même matin, quoi ça va arriver. Sacrifice pour moi tout le plus riche, ton même qui gagne pour sa fête, regardez-nous. Quel plus ma chance de que bien le monde, sans sacrifier, c'est pas l'idée tu. Sacrifice pour ma tout le riche, ton même qui gagne sa fête, regardez-nous. Y'a plus de chance que bien le monde, sans sacrifier, c'est pas quitté. Sans faire ce loué, gardez. Sans faire ce loué, mais bateau à sous-tour, y'a monde qui va monter. Sans faire ce loué, les grands mètres la varée, y'a monde qui va cacher. Sans faire ce loué, moi dis sans faire. Gati fait la pluie, gati mon qui gagne grand goût. Sauve, c'est nous. Moi, dis sauve, c'est nous. Ça fait animal. L'homme on porte pour pas craser cuivre. Second petit foc à occuper. Garde maman qui chita en Haïti. Si mando foc à bon petit cadeau. Pas jouer parce qu'on pas connaît moins. Moi dis sauve, c'est nous. Thank you. Sa pa fè yo di mwen la dani. Sa fè se loua. Di mi go a se li mwen konè. Sa fè se loua. Si fè mal, fò ka kritike mwen. Sa fè se loua.